Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a trois rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'univers musical de Frank Zappa. Ça semble étrange de dire, mais Zappa était un des plus hauts perfectionnistes que j'ai connu. Techniquement, il était un virtuose spectaculaire de voir lui travailler dans son studio, façon qu'il a joué la guitare. Surtout, il a eu ses oreilles fantastiques. Le directeur musical et chef de l'Orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano, à l'émission « Viens voir les musiciens » le 11 août 2013. C'est en 1983 que Kent Nagano enregistre certaines des compositions de Frank Zappa avec l'Orchestre symphonique de Londres à l'époque. Cette rencontre entre Kent Nagano et Frank Zappa nous en dit déjà pas mal sur l'étendue de la palette musicale de Frank Zappa. En 2002, la revue Rolling Stones va classer Zappa au 71e rang des 100 plus grands artistes de tous les temps et au 22e rang des 100 meilleurs guitaristes. She was the daughter of a wealthy Florentine. Si un artiste du 20e siècle a bien mérité le qualificatif éclaté, c'est bien Frank Zappa. Le fondateur du groupe The Mothers of Invention, qu'on entendait dans tous les campus universitaires dans les années 60, a contribué à sa manière à l'éveil des consciences, un terme à la mode à ce moment-là. La musique de Zappa, en apparence désordonnée, recréait le monde à sa façon. Le musicien avait en horreur les hypocrites du monde entier. Il a dénoncé la guerre du Vietnam, le pouvoir de l'argent, la stupidité des médias et la cupidité de l'industrie du disque. Il a ridiculisé l'Amérique moyenne, ses certitudes et sa peur du sexe. Musicalement, Frank Zappa se comparait lui-même à Stravinsky et Varèse. Bien avant que le mot punk ne soit connu, il en était un. Zappa faisait du rock comme d'autres font la guerre, sans merci. Il mélangeait joyeusement tous les genres musicaux pour atteindre une apparente anarchie. Et pourtant, ses inventions étaient savamment calculées. Paul Toutain, à Montréal. Le reportage de Paul Toutant, la mort de Frank Zappa en décembre 1993, pour nous présenter cette voix très singulière de l'histoire de la musique au 20e siècle, celle de Frank Zappa, je reçois Jean-Sébastien Marsan qui a écrit « Le petit oiseau, initiation rapide, efficace et sans douleur » à l'œuvre de Frank Zappa. Jean-Sébastien Marsan, bonjour. Bonjour. Certains de nos auditeurs vont probablement être étonnés d'entendre une émission d'Aujourd'hui l'Histoire consacrée à Frank Zappa. Pourquoi s'intéresser à Frank Zappa? C'est que Frank Zappa a marqué l'histoire de la musique, et pas seulement de la musique populaire à laquelle il est souvent associé, mais il a touché à tous les genres musicaux et il s'est illustré dans tous les genres musicaux. Alors ça va de la musique classique au heavy metal en passant par l'électronique, l'électroacoustique, le jazz et tout. C'est un des plus grands compositeurs américains du 20e siècle. Et d'ailleurs, à sa mort, j'ai lu un article de journal en 1993 qui me révélait que Frank Zappa était un des plus grands compositeurs américains du 20e siècle. Et ça a tout de suite piqué ma curiosité parce que je ne le connaissais pas beaucoup. Ouais. Je me suis dit, hey, moi qui me prétends cultiver, je ne connais pas un des plus grands compositeurs américains du 20e siècle. Et ça, c'est fascinant avec Zappa. Parce qu'il est à la fois, c'est un nom qu'on connaît, il est à la fois très connu, mais en même temps, on pense le connaître, mais on ne le connaît pas vraiment. Oui, c'est comme un malentendu, dans le sens où il est mal entendu, oui, mal compris. Il était très fort en marketing, alors tout le monde peut reconnaître sa grosse moustache, qui est une icône du 20e siècle, carrément. Oui. Mais par ailleurs, il y a très peu de gens qui ont approfondi l'œuvre de Zappa. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont écouté un disque à gauche et à droite, qui l'ont entendu à la radio. Mais se farcir l'œuvre de Zappa, c'est tout un chantier. Hein. Il y a une soixantaine de disques de son vivant, dont plusieurs étaient doubles ou triples. Et depuis sa mort, ses héritiers ont édité une quarantaine de disques, dont de nombreux inédits, et ça continue encore. Alors, moi, ça m'a pris au moins une dizaine d'années faire le tour. Et même si musicalement, il va chercher ses influences un peu partout, à gauche, à droite, c'est très, très, très varié, hein, vous le disiez. En même temps, il y a un son Zappa. Oui, Tout comme Zappa, dans son autobiographie, compare son travail à celui de Rembrandt. Ça a l'air prétentieux, là. Mais Rembrandt, dans toutes ses toiles, mélangeait un petit peu de brun à toutes les autres couleurs. Ça faisait la touche Rembrandt, l'espèce de brun qu'on voit partout. Alors, Zappa, lui, mélangeait tous les styles musicaux, mais il conservait une touche personnelle. Même lorsqu'il procède par collage, souvent, sa musique, c'est une série de collages. Dans une seule pièce, il peut y avoir plusieurs genres et des changements de rythme. C'est très déstabilisant à la première écoute, mais ça forme un tout cohérent parce qu'il avait toujours conscience d'utiliser les matériaux diversifiés pour, en bout de ligne, parvenir à un ensemble cohérent, l'ensemble étant une pièce et ensuite l'articulation de toutes les pièces dans le disque. Il tombe amoureux de la musique très, très jeune. Parlez-moi de ça. Ça nous permet de parler de ses influences qui vont être importantes. Sur la musique classique, par exemple, il n'y en a qu'un qui trouve grâce à ses yeux, c'est Bach. Tout le reste, il rejette ça du revers de la main. Mais donc, très jeune, il aura une très, très vaste culture musicale. Qui sont ceux qui l'inspirent? Oui, ben ça remonte aux années 50. Frank Zappa est né en 1940. Donc, au milieu des années 50, il s'intéresse beaucoup à la musique orchestrale moderne, c'est-à-dire Edgar Varèse, Stravinsky, la musique dodécaphonique des compositeurs viennois comme Schoenberg et Berg. C'est le 20e siècle qu'il allume. Et par ailleurs, la musique populaire de son époque l'intéresse beaucoup aussi. Le rhythm and blues, le doo-wop, les premiers succès d'Elvis Presley. Alors, et pour lui, tout ça, c'est de la bonne musique. Et il n'a pas de frontière esthétique pour lui entre ces genres-là. Pour lui, tout ça, c'est de la musique intéressante. Et même s'il ne comprenait pas la mécanique, la musique dodécaphonique, il trouvait que ça sonnait très bien et que ça pourrait tout à fait être marié avec d'autres types de musique. Alors, quand il était adolescent, Zappa, il a commencé à composer sur partition avant d'apprendre à jouer de la guitare en autodidacte. Incroyable. Il commence sa carrière professionnellement avec un groupe qui va s'appeler Mothers of Invention. Leur premier disque s'intitule Freak Out. Ce disque-là paraît en 1966. Vous estimez, vous, Jean-Sébastien Marsan, que le disque le plus abouti de cette première période de Mothers of Invention, c'est Uncle Meat. On écoute tout de suite une pièce tirée de ce disque. Alors pourquoi Jean-Sébastien Marsan, cette pièce précisément? Ben, je trouve qu'elle résume bien, elle donne un bon aperçu du disque. C'est une musique qui est à la fois très, très calculée, très architecturée, et en même temps qui est sympathique, hein, qui est rigolote, qui donne le sourire. Et sur ce disque-là, il y a toutes sortes de choses. Hein. Il y a une chanson d'amour à la gloire de l'emblème du mélange de pâte à crêpes Aunt Jemima. Il y a une espèce de chanson sur Cruising for Burgers qui est complètement adolescente, mais il y a aussi une pièce pionnière du jazz rock qui s'appelle King Kong. C'est le premier jazz rock enregistré en 1966-68. Alors, il y a des pièces complètement orchestrales. Il y a des pièces électroacoustiques, il y a un peu de rock. Alors déjà, là, il y a un excellent mélange. Il y a l'humour et la dérision de Zappa déjà sur ce disque. Oui. Cette première période avec Mothers of Invention, comment la résumer, cette période-là? Eh mon Dieu! The Mothers of Invention, c'est la formation la plus avant-gardiste aux États-Unis dans les années 60. C'est un groupe qui travaille très sérieusement sans se prendre au sérieux, qui rejette toutes les valeurs américaines, sauf une, la liberté d'expression. Mm-hmm. C'est un groupe qui est complètement à contre-courant de l'industrie du show business, même qui est très agressif envers l'industrie du show business, qui en va promener les majors de l'industrie du disque. Ils font exprès pour être laids, pour être désagréables, et en même temps, ils ont un humour absolument ravageur. Mais c'était une catastrophe financière aussi. Ouais. Et donc, Frank Zappa, à un moment donné, pour mieux gagner sa vie, a décidé de se lancer dans une carrière solo. Oui, ça arrive en 69, le début de cette carrière solo. Son premier album solo va s'intituler Hot Rats. Il y en aura de nombreux, évidemment, qui vont suivre, dont Overnight Sensation en 1973, dont on écoute un extrait de la pièce Dirty Love. I don't believe you've never seen his book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. I only got one destination and that's your dirty love. Your dirty love. Extrait de la pièce Dirty Love, ça c'est Jean-Sébastien Marsan, un Zappa un peu plus connu, un guitariste, on l'entend, un virtuose à la guitare. Et c'est assez représentatif des années 70. C'est là où il est probablement, vous me corrigerez, mais à son pic. En tout cas, c'est là où il fait la musique, sa musique qui sera le plus grand public là, oui. Dans ces années-là. Oui, une musique qui est quand même souvent très élaborée. Sous une surface grand public. C'est un rock qu'on peut à la fois écouter en tapant du pied et qui est très jouissif intellectuellement. Ouais. Et c'est en 1979, en fait, que Frank Zappa connaît une année absolument extraordinaire avec ses deux disques parmi les plus vendus, là, Shake Your Booty et la comédie musicale Joe's Garage. Mais en même temps, à l'époque, il est obsédé par sa reconnaissance à titre de compositeur sérieux, ouais. En guillemets. Pour un compositeur pour orchestre symphonique et musique de chambre. Mais il va, pendant ces années 70, avant d'aller vers ses premiers essais de musique sérieuse, parce que c'est vrai qu'il est un peu boudé, puis ça le gêne, il aime cette musique-là aussi, puis ça le gêne d'être boudé par les gens qui s'intéressent à cette musique sérieuse. Encore un petit mot sur les années 70, où il va... Il va faire du cinéma. Il est vraiment très polyvalent dans cette décennie-là aussi. Ah oui, c'est plus qu'un musicien. C'est un producteur aussi. Il a produit divers artistes pop. Il a réalisé ses propres films. Il s'est initié lui-même à la vidéo. Il était conférencier. Il a écrit un peu plus tard, dans les années 80, son autobiographie. Il écrivait aussi des textes dans des magazines spécialisés de l'industrie du disque. Bref, il était très, très polyvalent et très doué. Et dès les années 70, il va, un peu comme Miles Davis l'a fait pour le jazz, c'est fou, il va découvrir, il va s'entourer de grands musiciens, mais qui commence, un recruteur de talents formidable pour la musique rock, au fond. Ah oui, d'un disque à l'autre, ses formations musicales changent constamment. Et sa porte était toujours ouverte. Il organisait des auditions et n'importe qui pouvait cogner à sa porte, dire « j'ai envie de jouer avec vous ». Ben, parfait. Et il a recruté, par exemple, des gens comme Steve Vai dans les années 70. À l'époque, Steve Vai avait 19 ans. Il s'est joint à une tournée de Zappa et il est resté avec lui quelques années avant de connaître une belle carrière solo. Donc oui, c'était vraiment un mentor, un recruteur, ouais. Quelqu'un qui formait ses recrues et qui ensuite les accompagnait dans leur début là, dans l'industrie. Alors, on revient sur cette aspiration à une reconnaissance dont vous parliez il y a un instant. Il est vraiment boudé par les gens qui font de la musique sérieuse. Il se dit non, ça ne marche pas, ça m'intéresse cette musique-là, moi aussi. Donc, il va leur répondre en quelque sorte avec ceci. Ah, mais je pense que c'est très bien parce que ça, d'abord, ça change le style des musiciens, ça leur fait aborder des choses différentes. Et c'est très curieux de voir comme les deux mondes s'interpénètrent parce qu'il y en a un qui vient d'un horizon tout à fait différent, où la pratique est beaucoup plus importante que la théorie, je dirais, et où la pratique entraîne aussi des conséquences pour la façon de jouer. Et pour nos musiciens, c'est très bien justement de s'étendre à un domaine qu'ils n'ont pas beaucoup l'habitude de fréquenter. Extrait de la pièce « Dupree's Paradise » tirée de l'album « The Perfect Stranger ». Vous entendiez sur cette musique Pierre Boulez à l'antenne d'Antenne 2, justement, le 9 janvier 1984, au journal télévisé d'Antenne 2. C'est donc en s'associant avec Pierre Boulez, Jean-Sébastien Marsan, que Frank Zappa va vouloir gagner le respect du milieu musical. Oui, bien, il a obtenu avec Boulez, il a obtenu sa carte de visite là, pour entrer dans le monde de la musique dite savante ou sérieuse, ouais. Mais que Zappa, comme je le disais plus tôt, il travaille toujours très sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors, c'est une musique qui est assez accessible. C'est pas une musique atonale. Là. La musique contemporaine, souvent, elle abandonne la tonalité. Les mélodies ne sont pas aisément reconnaissables. C'est une musique qui est quand même assez mélodieuse, avec des références à la culture populaire, par exemple, ça peut être des références à la musique de film, des références à la musique pop. On y trouve aussi toutes sortes de clins d'œil, par exemple, à la science-fiction, à la bande dessinée, aux films de série B, etc. Alors, c'est une musique qui est relativement accessible et qui a très, très bien vieilli. Donc, c'est en 84 qu'il fait ce disque avec Pierre Boulez. En 83, l'année précédente, on entendait Kent Nagano au début de l'émission. Il va travailler aussi avec Nagano, qui dirige à ce moment-là l'Orchestre symphonique de Londres. Même genre de démarche là, qu'il aura avec Boulez. Ben c'est en fait, Frank Zappa voulait son premier disque dans les années 80, symphonique, c'était effectivement avec Kent Nagano. Il avait carrément loué le London Symphony Orchestra. Et deux disques seront tirés de cette cette aventure en 1983 et en 1987, mais ils sont moins aboutis que le disque avec Pierre Boulez, qui lui, vraiment, a obtenu une reconnaissance. Ouais. On revient à cette qualité, ce talent qu'il a de vraiment décliner son talent musical, mais à peu près sur tous les registres possibles en musique, parce que en même temps qu'il fait ce qu'on vient d'entendre, il va, dans les années 80, devenir un petit peu le dieu de la musique électro. Il faut le faire. Oui, avec un appareil qui s'appelle le Synclavier. Ça n'existe plus aujourd'hui. La compagnie qui l'a fabriqué a carrément sombré corps et biens dans une faillite. Le Synclavier, c'est un appareil qui a été conçu au début des années 80 pour que les compositeurs qui travaillent sur partition puissent entendre leur composition, comme si l'appareil remplace un orchestre. Et c'est un appareil qui peut échantillonner n'importe quel son et le reproduire. L'appareil aussi produit des sons qui sont purement synthétiques, là, électroniques. Ouais. Alors, ça sonne comme un orchestre. Ça peut échantillonner n'importe quoi, une cloche à vache, une guitare, un gazou et la voix humaine. Et Zappa, quand il a découvert ça, il s'est dit « Waouh, ça, c'est un instrument dont j'ai rêvé depuis longtemps parce que je peux absolument être le contrôler tous les paramètres d'une composition. » Et aussi, l'appareil exécute la composition par la suite. Années 80, il est déjà très critique, vous l'avez dit, de la société américaine. Ils sont assez irrévérencieux avec son groupe d'abord, puis Zappa tout seul par la suite. Dans les années 80, son engagement politique se précise un peu. Quel genre d'action, concrètement, il va mener? Puis quand on regarde ses textes, par exemple, pas juste dans les années 80, mais tout au long de sa carrière, c'est les cibles de Zappa, qu'est-ce que c'est? Ben, la plupart du temps, c'est tout ce qui relève du Parti républicain. Les télévangélistes, ça c'est vraiment la bête noire de Zappa, la droite catholique, les hippies au début, il se moquait beaucoup des hippies dans les années 60. Pour lui, les hippies, le mouvement hippie était une utopie complètement naïve et dépolitisée. Et dans les années 80, il va beaucoup se moquer des yuppies, hein, de leur carriérisme, de leur vision à court terme, leur obsession pour l'argent, la réussite, la gloire. Et en 1985, Zappa a livré un combat important au Sénat américain contre un groupe de pression au mandat très, très douteux qui avait été fondé par la femme du sénateur Al Gore. Ça s'appelait le Parents Music Resource Center. C'était un groupe de pression qui faisait du lobby auprès du gouvernement américain pour interdire ce qu'on appelait le porn rock, c'est-à-dire les disques dont les paroles seraient pornographiques ou, je cite, « qui inciteraient à la masturbation ». Alors, Zappa s'est présenté à une audience au Sénat pour fustiger le travail de ce groupe de pression. Et les enregistrements des témoignages au Sénat lui ont servi à écrire, à composer une pièce électroacoustique absolument magistrale qui s'appelle « Porn Wars » en 1985. Quel beau pied de nez. Hein? C'est tout à fait Zappa, ça. Never before in 25 years in rock and roll. En 25 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel en sortant d'un avion. Of an airplane and seen anything like that. What? How you feel? I feel so tired but so happy to be in Prague. Je suis épuisé mais très heureux d'être à Prague. Par contre, je suis convaincu que vous êtes encore plus heureux d'avoir un nouveau pays. But I'll bet I don't feel as happy as you do to have a brand new country. And I give you my congratulations on your political success. Je vous félicite pour votre réussite politique et je vous souhaite du calme et de la prospérité. And hope that everything remains calm and prosperous here. Frank Zappa, lors de son passage à Prague en janvier 1990, au moment où Václav Havel le nomme ambassadeur spécial de la Tchécoslovaquie pour l'Ouest, dans les domaines des échanges, de la culture et du tourisme. Parlez-moi de ça, Jean-Sébastien Marsan, c'est assez fascinant, le lien que les Tchèques auront avec Zappa. Puis plus largement, il est un peu une espèce d'idole dans tout le bloc communiste avant la chute du mur de Berlin en 89. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il représente pour ces gens-là? Dès les années 60, ces disques circulaient sous le manteau. Et Zappa est une figure populaire auprès des dissidents communistes, les dissidents soviétiques et tout. Et à l'époque, Zappa n'était pas au courant de ça. Et en 1990, il a fait une escale, une simple escale à Prague. Et il a été accueilli par une foule en délire, traîné jusqu'au palais présidentiel et nommé par Václav. Oui, il s'est rendu compte, en fait, que toutes les années 60, 70 et 80, il avait joui d'une énorme popularité de l'autre côté du rideau de fer parce qu'il était vu comme une figure de résistance intellectuelle et artistique. Et d'ailleurs, dans son propre empire à lui, l'empire américain, c'est un résistant, au fond. C'est un peu ça. Oui, aussi. Et Zappa, comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Il n'a jamais été... Il était beaucoup plus populaire en Europe qu'aux États-Unis toute sa carrière. Aux États-Unis, il a été très critiqué. Il était boycotté par la plupart des stations de radio et postes de télévision qui considéraient que ses propos, sa musique étaient irrecevables. Ouais. Mais en Europe, on le considère souvent comme un héros. On termine cette émission, Jean-Sébastien Marsan, avec ce que vous considérez comme le chef-d'œuvre orchestral de Frank Zappa. La pièce Bebop Tango tirée du disque Yellow Shark, pourquoi ce disque-là est pour vous un si grand disque? C'est que ça a été enregistré en 1992 avec un orchestre allemand qui s'appelle l'Ensemble Moderne. C'est un ensemble de musique de chambre. Et là, Zappa est vraiment parvenu à une symbiose totale avec un orchestre. L'orchestre pouvait jouer tout ce qu'il voulait. Mm-hmm. Leur collaboration a été extrêmement fructueuse. Et on a bien entendu ici le mélange des genres. Ça commence sur un petit swing, un peu bebop, et on bascule ensuite dans une autre dimension. Et tout le disque est comme ça, est formidable, avec plein de références à la culture populaire. C'est un des disques de musique contemporaine les plus accessibles qui soit. Ouais. Il reste quoi? Où en est-on aujourd'hui avec Frank Zappa? Qu'est-ce qu'il a apporté à la musique au 20e siècle? Bien, c'est qu'il a créé quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un pont entre la musique dite savante et la musique populaire. Il a intégré des éléments du langage de la musique contemporaine dans la musique populaire, dans la musique rock, dans la musique électro, et pour créer une nouvelle musique. Nouvelle musique qui aujourd'hui est encore assez inexplorée. C'est un chantier. Il n'y a pas beaucoup de musiciens qui se réclament ouvertement de Frank Zappa, qui vont dire « Bon, ce que Frank Zappa a fait, c'était génial, moi je vais poursuivre l'œuvre. Hein? Je vais amener ça plus loin. » Il y a très peu de gens qui ont cette prétention, parce que c'est... Frank Zappa nous a ouvert la porte sur un nouvel univers musical qu'il a commencé à défricher, mais qui reste encore à explorer et à perfectionner. Jean-Sébastien Marsan, auteur du livre « Le petit oiseau, initiation rapide, efficace et sans douleur à l'œuvre de Frank Zappa », merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.